Brillat Savarin par Gaston de Rhys. Brillat Savarin, c'est le drapeau de cet art gastronomique qui est aujourd'hui si fort en honneur, à telles enseignes que presque tous les journaux ont leur rédacteur culinaire, comme ils ont leur critique dramatique ou leur courriériste littéraire. Mais qu'on n'aille pas croire que Brillat Savarin ne s'intéressait qu'aux choses de la table. Cet écrivain délicieux, qu'elle laissait une œuvre d'une originalité profonde, où pétille le meilleur esprit français, peut-être aussi regardé comme une manière de philosophe, si l'on voulait suivre les préceptes de sagesse souriante dont son livre est tout imprégné. Le bonheur ne serait pas loin de régner sur la terre. Ce qui rend cette sagesse si précieuse, c'est précisément la longue expérience d'une vie bien remplie, où Brillat a connu toutes les adversités sans jamais désespérer de sa bonne étoile, où il a pu observer à loisir les usages et les mœurs des peuples les plus divers. Ajoutez à cela un savoir véritablement encyclopédique, exprimé dans des théories et des prescriptions où son intuition rejoint souvent les conclusions de la science actuelle. Son traitement de l'obésité, par exemple, ne serait pas désavoué par nos hygiénistes les plus modernes. Et n'oublions pas qu'il a inventé le vaporisateur, qu'il nomme irorateur, et qu'il a présenté au conseil d'administration de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et si une élégante, aujourd'hui, au moment de sortir de chez elle, peut envelopper toute sa personne d'un nuage de suavité, c'est à Brillat Savarin qu'elle le doit, à ce délicat épicurien qui a remarqué le premier, et avec quel orgueil patriotique, que la coquetterie et la gourmandise sont toutes deux d'origine française. Il parlait la plupart des langues d'Europe et connaissait à fond les langues mortes. Il avait étudié la physique, la chimie, la physiologie, le droit. À 21 ans, il professait à Dijon le droit, la chimie, la médecine domestique. Juriste distingué, avocat habile et érudit, il mourut investi d'une des plus hautes judicatures entouré d'une grande réputation d'intégrité, car cet épicurien montrait une âme solidement trempée. Jean-Anthelme Brillat Savarin naquit le 1er avril 1755 dans la gentille ville de Belley. Il appartenait à une famille de petite aristocratie provinciale qui menait une existence remplie de dignité, de courtoisie et de belle humeur en une province dont les produits favorisent singulièrement le culte de la bonne chère, en ce Bugey, qui était et qui demeure un vrai paradis gastronomique. N'est-ce point sa mère, Aurore Récamier, qui a inventé ce pâté merveilleux, l'oreiller de la belle Aurore, aux quenelles, aux morilles, aux truffes et aux queues d'écrevisse. Il veillait un jour une tante presque centenaire qui sentait sa fin prochaine. Il crut convenable de lui proposer, pour adoucir l'amertume de la suprême séparation, un verre du meilleur vin de sa vigne. La bonne dame goûta le nectar et, en guise de remerciement, lui offrit cette prudente sentence. « Si jamais tu viens à mon âge, tu verras que la mort devient un besoin comme le sommeil. » Sa sœur Perrette mourut à 99 ans et 11 mois. Elle soupait dans son lit et ordonna à la servante « Vite, le dessert, je sens que je vais rendre l'âme. » Il y avait un peu d'héroïsme dans l'épicurisme des Brillat Savarin. La révolution éclate. Brillat Savarin, qui ne semblait pas né pour les luttes politiques, est envoyé à l'Assemblée constituante par ses concitoyens. Il devient bientôt président du tribunal du département de l'Ain. Mais il réprouve les sanglantes représailles de la terreur. Élu maire de Belley, il se dresse contre les émules de Marat et de Robespierre. Impuissant à tenir tête à la rafale, il prend le parti de s'exiler. Le maire de Belley, écrit un de ses historiographes, lui-même gastronome érudit, M. Marcel Rouff, est dans une situation qui n'eût pas incité une âme vulgaire au plaisir de la table. Chevauchant sa bonne bête qu'il appelait, remarquez bien ce nom, la joie, il court le Jura pour joindre à Dole le conventionnel en mission Prost. Seul, il peut lui donner le sauf-conduit qui l'empêchera d'aller en prison et probablement ensuite à l'échafaud. Le danger est pressant. Mais à Mont-sous-Vaudrey, il tombe sur quelques bons compagnons groupés autour d'un feu vif, au-dessus duquel tourne une broche de caille, de perdrix et de ces petits râles à pieds verts qui sont toujours si gras. Qu'est-ce que la guillotine en face d'un tel régal? Il s'arrête et déguste. Voici 1794. Le sauf-conduit n'a pas été inutile. Brillat-Savarin a dû, à pied, au prix de 1000 difficultés, passer en Suisse. Il retrouve M. de Rostein. La situation des deux proscrits n'a rien de réjouissant. Mais, écrit Brillat, quel bon dîner nous faisions en ce temps à Lausanne aux Lions d'argent. Il faut avouer qu'un goût qui engendre un tel moral devient une vertu. Brillat-Savarin passe ensuite aux États-Unis, où il se sentira mieux en sécurité. Ses biens sont confisqués. Pour gagner sa vie, il donne des leçons de français et utilise son talent de violoniste dans l'orchestre d'un théâtre de New York. Il nous a laissé, dans sa physiologie du goût, le récit d'une partie de chasse qu'il fit dans le Connecticut et où il savoura des écureuils gris cuits dans du madère. Il tua un dindon sauvage et le trouva délicieux, avec une chair plus colorée et plus parfumée que celle de la dinde domestique. Il était l'hôte d'un fermier aisé qui menait une vie bien différente de celle des Américains d'aujourd'hui, une vie toute idyllique et pastorale. « Tout ce qui vous entoure, déclara-t-il à Brillat, et tout ce que vous avez vu chez moi, sont de mes propriétés. Ces bas, mes filles les ont tricotés. Mes souliers, mes habits proviennent de mes troupeaux. Ils contribuent aussi, avec mon jardin et ma basse-cour, à me fournir une nourriture simple et substantielle. Ce qui fait l'éloge de notre gouvernement, c'est qu'on compte dans le Connecticut des milliers de fermiers tout aussi contents que moi et dont les portes, de même que les miennes, n'ont pas de serrure. Les impôts ici ne sont presque rien. Pas de serrure aux portes, pas d'impôts. On a changé tout cela. » Brillat-Savarin rentre en France en 1796. Nous le voyons secrétaire de l'état-major des armées de la République en Allemagne, puis commissaire du gouvernement près le tribunal du département de Seine-et-Oise. Il donne aux armées du Rhin une rare preuve d'indépendance et c'est Chateaubriand qui nous l'apprend dans les mémoires d'outre-tombe. Siégeant en qualité de juge au procès du général Moreau, il permet, à la prière de sa cousine, Madame Récamier, l'entrée du tribunal à l'épouse de l'accusé. Ce n'était pas le moyen de faire sa cour à Bonaparte. Voici une anecdote amusante sur le temps où il était à Versailles commissaire du directoire. Le greffier du tribunal était grand amateur d'huîtres. Brillat-Savarin l'invite à déjeuner, bien résolu à contenter amplement le goût de son convive par ses savoureux mollusques. « Je lui tins compagnie jusqu'à la troisième douzaine, dit-il, après quoi je le laissai aller seul. Il alla ainsi jusqu'à la 32e, c'est-à-dire pendant plus d'une heure, car l'ouvreuse n'était pas bien habile. Cependant, j'étais dans l'inaction, et comme c'est à table qu'elle est vraiment pénible, j'arrêtais mon convive au moment où il était le plus en train. « Mon cher, lui dis-je, votre destin n'est pas de manger aujourd'hui votre soupe d'huître. Dînons. » Nous dînâmes, et il se comporta avec la vigueur et la tenue d'un homme qui aurait été à jeun. Enfin, Brillat est nommé conseiller à la cour de cassation. Dès lors, à l'abri des tempêtes de la vie, il mûrit l'œuvre qui lui a donné la gloire. Il nourrissait pour elle une telle tendresse qu'il l'emmenait avec lui dans ce noble sanctuaire des lois. C'est même là qu'il en composa la plus grande partie. Un jour, le manuscrit s'y trouva égaré, inséré par mégarde dans quelques dossiers rébarbatifs, au grand désespoir de l'auteur, qui ne le récupéra qu'après plusieurs semaines de recherches angoissées. C'est seulement quelques mois avant sa mort que Brillat se décida à donner ses médications au public, après les avoir polies et repolies, et il poussa la modestie jusqu'à les publier sans nom d'auteur. Il ne signa que son essai sur le duel et un ouvrage sur l'administration judiciaire. Ajoutons qu'il dut faire les frais de l'édition, le libraire, avec un de ces manques de discernement qui ne sont point si rares qu'on pourrait le croire, n'ayant placé aucune confiance dans cette production qui devait devenir immédiatement célèbre et qui fut si souvent réimprimée. Il est important de noter que Brillat est un gourmet et non un gourmand. Il estime qu'une gourmandise bien entendue et fine doit avoir une influence heureuse sur les relations sociales et même sur le bonheur conjugal. Sa gourmandise, toute spiritualisée, n'a rien à voir avec la gloutonnerie. Voici la charmante et précise définition qu'il nous donne. La gourmandise est une préférence passionnée, répétée et habituelle pour les objets qui flattent le goût. Elle est ennemie des excès. tout homme qui s'indigère ou qui s'enivre court risque d'être rayé des contrôles. Evria n'est pas loin de conclure qu'une gourmande ou qu'un gourmand, vraiment digne de ce nom, se trouve presque en odeur de sainteté, car la gourmandise est une résignation implicite aux ordres du Créateur, qui, nous ayant ordonné de manger pour vivre, nous y invite par l'appétit, nous soutient par la saveur et nous en récompense par le plaisir. Il habitait, sur la fin de sa vie, dans une belle maison qui est encore debout, au coin de la rue de Richelieu et de la rue des Fils Saint-Thomas. Suivi de son chien favori, il s'en allait le matin vers le palais, en musant aux devantures des marchands de comestibles fins qui habitaient dans son quartier. Il achetait des petits pâtés chez Sulot, passage du Perron, et les mangeait au café Lamblin, galerie de Beaujolais, en savourant un chocolat préparé par le fameux Iudicelli. Le soir, il dînait au Rocher de Cancale ou chez Véry, au Café de Chartres ou aux Frères Provençaux, ou encore chez Beauvilliers, qui, nous dit-il, eut le premier à Paris un salon élégant, des garçons bien mis, un cabot soigné et une cuisine supérieure. Les hommes les plus distingués de son époque recherchèrent sa société. Parfois, en petit comité, il lisait quelques pages de la physiologie. En 1826, le 21 janvier, il assista au service qui célébrait l'anniversaire de la mort de Louis XVI à la basilique de Saint-Denis. Il faisait un froid terrible, et trois magistrats contractèrent ce jour-là les germes de la maladie qui devait les emporter. Robert de Vincent, l'avocat général Marchangy, et le conseiller Brillat Savarin. Brillat souffrait déjà d'un mauvais rhume, mais le président de la Cour de cassation lui avait fait savoir que son abstention à la cérémonie serait mal interprétée en haut lieu. Brillat n'hésita point. Mais il revint de Saint-Denis avec une pleurésie et montra comment un épicurien peut devenir un stoïque, avec le sourire. Gaston de Risse.